Chapitre 4e. À la fin d'août, les journaux ayant annoncé la disparition du choléra dans le Canada, je me décidai à quitter New York et à profiter d'un des trois bateaux à vapeur qui font le service entre cette ville et Albany. Cette concurrence fait diminuer les prix, mais rend la navigation dangereuse, par suite de la lutte de vitesse qui s'engage entre les trois capitaines. Chacun d'eux veut doubler le premier la pointe de Verplanks. Nous étions sur le point de passer devant le steamer qui nous précédait, lorsqu'un autre atteignit notre bateau, le choqua en passant et vint prendre la tête de la flottille. En cet endroit, le Hudson est heureusement trop resserré entre deux chaînes de montagnes pour que notre capitaine puisse tenter de reconquérir sa place première. Quelques voyageurs s'en réjouissent, craignant les résultats d'une telle lutte. On cite en effet plusieurs terribles accidents occasionnés par l'explosion des chauffages. On cite en effet plusieurs terribles accidents occasionnés par l'explosion des chaudières chauffées outre mesure. Arrivé à Albany le 1er septembre, je repris à 11h du matin le convoi qui partait pour Saratoga, le Baden-Baden américain. En passant devant Troyes, je vis que cette jeune cité avait failli éprouver tout récemment le sort de sa vieille marraine. Un incendie venait d'y dévorer non les palais de Priam et d'Anchise, mais 200 maisons en bois. Mais voici Saratoga, un nom bien américain, dont la célébrité ne date que de la guerre de l'indépendance. C'est ici qu'en 1777, et pour la première fois, les troupes de ligne du Vieux Monde mirent bas les armes devant les milices du Nouveau. Pendant la saison des bains, il y a dans cette ville une affluence considérable de riches familles qui viennent y passer une partie de l'été. Aussi voit-on plusieurs immenses hôtels, celui des États-Unis, celui de l'Union, etc. À distance, ils ont presque tous une apparence monumentale, qui perd beaucoup à un examen rapproché, car ils ne sont construits qu'en planches et le faux air de marbre qu'ils ont de loin se change de près en une simple peinture à la détrempe. Dans le voisinage immédiat de chacun d'eux se trouvent des salles de billard, des jeux de boules et des tirs au pistolet et à la carabine. Les rues de Saratoga sont larges, ornées d'arbres et bordées de boutiques bien approvisionnées. À l'entrée d'un vaste jardin, bouillonne sous un petit monument la source dite du Congrès. L'eau en est limpide, tiède, gazeuse et contient beaucoup de soude. On recommande son emploi pour les maladies de peau, les rhumatismes, etc. Dans toutes les villes des États-Unis, on expédie d'innombrables bouteilles de cette eau si renommée. Mais les Américains viennent à Saratoga surtout pour danser et monter à cheval. Ces exercices, au dire des médecins, entrent pour beaucoup dans l'effet bienfaisant des eaux minérales. La ville est entourée de bois, reste de ses forêts vierges où Cooper a placé la scène de quelques-uns de ses plus beaux romans. Quelques Indiens Mohawks s'y abritent encore sous une couple de tentes en lambeaux et de misérables cabanes. Ces Indiens ont des traits fort grossiers, le teint et la peau d'un rouge brun foncé, mais ils sont en général de haute taille. Ils vendent des fruits et quelques ouvrages en perles dont les dessins ne manquent pas d'originalité. Dès le matin du 2 septembre, j'étais à Whitehall, petite ville pittoresque à l'extrémité sud du lac Champlain. Un bateau à vapeur y chauffait, prêt à partir, aussi grand que ceux du Hudson, mais bien mieux décoré. Son premier étage est occupé par un immense salon orné de lustres dorés, de glaces superbes, garni d'un riche mobilier en palissandre et même d'un piano. Un tapis moelleux étale ses jolis dessins sous les pieds des voyageurs. Les étagères sont garnies de bibles américaines. En dépit de sa magnificence, ce steamer est très modéré dans ses tarifs. 15 francs pour la traversée complète du lac Champlain, trajet de 11 heures environ, et 2 francs 50 centimes pour chacun des trois repas que l'on fait dans cet intervalle. La salle à manger, placée sous le pont, contient une table de 200 couverts. Mais comme tous les voyageurs ne peuvent y trouver place à la fois, on est forcé de servir 2 ou 3 repas successifs suivant le nombre des passagers. Les plus pressés forment un premier cercle serré autour des chaises, attendant patiemment le signal de se mettre à table. Les dames et leurs cavaliers font toujours partie de cette première fournée, car aux États-Unis, on a la plus grande déférence pour le beau sexe. Dès que les privilégiés se sont assis, le second cercle des voyageurs se resserre autour d'eux, prêt à occuper leur siège aussitôt qu'ils deviendront vacants. Tout le menu du repas est étalé sur la table. Chaque convive se sert lui-même, ou bien donne son assiette à un domestique en lui désignant le morceau qu'il désire. On n'a pas, comme en Angleterre, la peine de servir ses voisins. L'usage américain est fort approuvé des paresseux et des gourmands, qui désire éviter tout dérangement et toute perte de temps. On sert fort rarement du potage, on ne boit jamais de vin, mais beaucoup de thé ou de café. Un morceau de tourte aux fruits termine ordinairement le menu. Ces repas durent à peine 20 minutes, chacun mange vite et sans échanger une parole avec son voisin. Les hommes vont ensuite fumer leurs cigares sur les terrasses, qui forment suite au salon et dont l'on domine les eaux et les rives du lac Champlain. Ce lac, dont le nom consacre la mémoire du Français qui en fit la découverte en 1609, se présente d'abord aux voyageurs venant du sud comme un étroit canal, resserré entre deux chaînes de montagnes verdoyantes qui affectent les formes les plus gracieuses. Ce sont à droite les montagnes vertes, qui ont donné leur nom à l'état de Vermont. À gauche, les contreforts de la chaîne new-yorkaise de l'Adirondack. Des deux côtés des bois peu élevés mais fort épais, descendent jusqu'au bord de l'eau où se mirent de loin en loin des maisons de bûcherons. En passant, on leur jette le sac contenant les dépêches de la poste. Ce paysage a déjà ses ruines. Ce sont celles du fort Ticonderoga et de Crown Point, abandonnées et démolies depuis la paix et qui commandaient l'entrée du lac dans d'admirables positions. Au moment où nous allions nous engager parmi les îles Hérault, qui forment de gracieux groupes de verdure entre lesquels apparaissait dans le lointain le joli village de Plattsburgh, célèbre par la victoire que remportèrent les Américains sur les Anglais en 1814, un vent froid, soulevant de petites vagues autour de notre vapeur, fut bientôt suivi d'une pluie torrentielle qui, masquant le ciel, la terre et l'eau, força les amateurs de paysages de s'envelopper de leurs manteaux et de chercher un refuge au salon. Là, je fis la connaissance d'un ingénieur français nouvellement arrivé aux États-Unis et qui se rendait au Canada pour affaires. Pendant que nous échangeions nos observations sur les Américains, la conversation tomba sur la liberté dont les jeunes filles jouissent dans les États-Unis. À New York, j'avais remarqué fréquemment des jeunes personnes de bonne famille se promenant seules ou en compagnie de jeunes gens, sans que personne n'y trouvât le moins du monde à reprendre. Un jour, étant en omnibus dans la rue de Broadway, j'avais vu une jeune fille âgée de 18 ans environ, aussi élégante que modeste, faire arrêter la voiture qui était au grand complet. Comme je me demandais où elle pourrait se placer, elle s'assit tranquillement sur les genoux d'un monsieur qui ne parut nullement surpris de cette bonne fortune. N'ayant rien eu de plus pressé que de rapporter le fait à des Français fixés depuis quelque temps dans le pays, ils me répondirent simplement « c'est l'usage ». En échange de ma confidence, mon compagnon de voyage me raconta qu'il avait été présenté récemment à New York dans une famille américaine dont il avait été accueilli avec affabilité. Sur le point de faire un voyage de quelques jours, il crut devoir une visite d'adieu et il fut reçu par la demoiselle de la maison, seule en ce moment au logis. Dès qu'elle connut l'objet de sa visite, elle lui dit qu'elle l'accompagnerait. « Comment, sans prévenir vos parents ?» demanda naïvement le Français. « Certainement, » répondit-elle. En effet, le lendemain, ils partaient ensemble pour Saratoga, où ils passèrent 2 jours à visiter la ville et les environs. « Naturellement, » dit en terminant mon compatriote, « les frais de toute cette excursion sont restés à ma charge, et les parents de la jeune personne ont bien voulu me remercier de cette galanterie. Mais en compensation d'une assez forte dépense, elle-même ne m'a pas laissé d'autre souvenir que celui de sa conversation aussi modeste que spirituelle, de sa conduite irréprochable et de son imperturbable sang-froid. » À la frontière anglaise, une voie ferrée fait suite à la voie d'eau dans la direction de Montréal. Un convoi nous y attendait. Le service du chemin de fer avait été interrompu depuis quelques jours par le feu qui avait éclaté dans les forêts voisines. La pluie, qui nous avait assaillis, avait aussi éteint l'incendie et nous avons pu profiter de la voie ferrée. C'est en français qu'on nous félicita de cet heureux hasard. Et je pus constater quel plaisir on éprouve à entendre sa langue natale lorsqu'on est éloigné de la patrie. Montréal, bâti au-dessous des premiers rapides qui entravent la grande navigation du Saint-Laurent, au point de jonction des eaux du Champlain et de l'Ottawa avec celles du Grand Fleuve, doit sans doute à toutes ces circonstances réunies d'être la ville la plus grande et la plus florissante, non seulement du Canada, mais de tout le continent américain au nord de New York et de Boston. Le petit établissement de Ville-de-Marie, fondé en 1641 par le Français Maisonneuve sur le Mont-Royal, la seule hauteur qui domine, pendant un espace énorme, la rive gauche du Saint-Laurent, serait rangée partout aujourd'hui au nombre des grandes cités. Montréal compte 80 000 âmes et les progrès qui s'accomplissent dans le Canada sont les garants de son accroissement et de sa prospérité future. Le jour de mon arrivée en cette ville, étant un dimanche, Il n'y avait pas une seule boutique ouverte et toute la population se rendait à l'église. La cathédrale présente une façade en pierre grise, bâtie dans le style gothique mais sans la moindre sculpture. Malgré son extrême simplicité, les Canadiens se montrent très fiers de ce monument et la comparent à Saint-Pierre de Rome sous le rapport de la grandeur. Cette église peut, dit-on, contenir 10 000 personnes, et cependant, je ne puis trouver de place que dans les galeries dont l'on domine l'ensemble des fidèles. La population réunie sous mes yeux me semble vêtue d'une façon convenable et même élégante. Après la messe, célébrée avec la même pompe qu'en France, j'allais parcourir la ville. Un toit en étain que le soleil fait briller de 1000 feux m'attira vers le marché de Bon Secours. Cet édifice est d'architecture dorique et a coûté plus d'1 million de francs. L'étain, qui conserve longtemps, à l'abri de l'oxydation, sa blancheur et son éclat, est fort employé ici dans les toitures et a valu à Montréal, parmi les Canadiens, le surnom de cité d'argent. À la première vue, au grand jour, l'épithète peut paraître un peu exagérée. Mais quand les rayons vermeils du soleil couchant et plus tard les blanches clartés de la lune viennent à jouer sur les dômes et sur les coupoles, il en résulte des tons et des effets à désespérer un peintre. Dans mes promenades à travers la ville, je remarquai un vaste espace couvert de ruines, triste vestige d'un incendie qui l'année d'avant avait dévoré 200 maisons en bois. Mais déjà s'élevaient à leur place de nouvelles constructions qui offriront bien plus de sécurité, car elles sont en belle et bonne pierre grise. Un autre emplacement également vide me fut signalé comme ayant été occupé par un fort bel hôtel, détruit de même l'an auparavant à la suite d'une discussion survenue entre des dilettanti anglais et canadiens. On allait y donner un concert, et il s'agissait de savoir si les musiciens débuteraient par la Marseillaise ou par le God Save the Queen, chant national des Anglais. Les Canadiens, grâce à leur imposante majorité, obtinrent la priorité pour la Marseillaise. Un Anglais, exaspéré de cette préférence, mit le feu au rideau de sa chambre et l'incendie brûla l'hôtel tout entier. Les Canadiens d'origine française aiment encore ardemment notre patrie, bien que depuis 1759, ils soient régis par le gouvernement anglais. Ils se sont soulevés plusieurs fois, et surtout en 1837. Depuis cette époque, les Anglais leur ont fait les plus larges concessions, tant pour prévenir le retour des velléités d'indépendance parmi les Canadiens, que pour les empêcher de s'annexer à l'Union américaine. Le pouvoir du gouverneur général s'exerce sous le contrôle de deux chambres, dont l'une, espèce de chambre des pairs, est formée par les membres que nomme à vie la reine d'Angleterre et dont l'autre se compose de représentants élus par le peuple. En outre, les impôts sont fort modérés. Mais tous les avantages d'un self-government ne peuvent faire oublier aux Canadiens qu'en 1541, leurs ancêtres sont partis des côtes de la Normandie pour explorer le Saint-Laurent, sous la conduite de Jacques Cartier, et qu'ils ont fondé les villes de Québec et de Montréal. Les droits énormes, prélevés sur les navires français, ont empêché pendant longtemps ceux-ci de venir dans le Canada. Cet état de choses a cessé, et l'arrivée du premier bâtiment de commerce portant notre pavillon devant Montréal fut dans toute la colonie l'occasion d'une fête qu'on pourrait à juste titre qualifier de fête de famille. On peut faire en voiture le tour de la montagne qui domine Montréal et lui a donné son nom. Une belle route, bordée çà et là de jolies maisons de campagne, conduit jusqu'au sommet, d'où l'on découvre plusieurs magnifiques points de vue. La ville, étagée sur la pente, descend jusqu'à la rive du Saint-Laurent, qu'elle borde sur plusieurs kilomètres de longueur. Mes hôtes, qui me firent les honneurs de leur Mont-Royal, m'indiquèrent de là les clochers de Saint-Patrick, des Récollets, de Sainte-Marie, le couvent des Sœurs Grises, le séminaire de Saint-Sulpice, puis les temples protestants de Saint-André, de Saint-Paul, etc. Enfin, les principaux édifices, le marché, la douane, la bourse, l'hôpital, le collège. Au-delà, le Saint-Laurent embrasse, dans son large cours, une foule d'îles gracieuses et arrose une riche campagne bordée de vastes forêts. Le soir venu, j'allais passer plusieurs heures au café pour parler de la France avec des Canadiens. Ils ne tarissaient pas de questions sur notre patrie, et la France ne doit jamais oublier qu'il y a sur les bords du Saint-Laurent plus d'un million d'hommes qui l'appellent leur cher vieux pays. À 11 kilomètres de Montréal se trouve la Chine, petit village où réside le gouverneur de la compagnie de la baie de Hudson. Pour éviter les rapides que forme l'Ottawa non loin de son confluent, dans le Saint-Laurent, je pris place dans un convoi, car la Chine a aussi son chemin de fer qui aboutit sur les bords de l'Ottawa, dans l'endroit même où 2 siècles auparavant s'arrêtèrent les aventuriers français partis à la recherche d'une route qui conduisit en Chine. Croyant avoir enfin trouvé le véritable chemin, ils s'écrièrent joyeusement « la Chine ». Telle fut, dit-on, l'origine du nom donné à la localité. Je ne fis au bourg de la Chine qu'un séjour très court et me hâtai de traverser l'Ottawa pour aller visiter, sur la rive opposée, un établissement d'Iroquois. Une longue pirogue, faite d'un tronc d'arbre et dirigée à force de pagaie, me porta au village de Caughnawaga, dont le nom est plus sauvage que la population qui a élevé une église catholique et des maisonnettes en pierre. Ces Iroquois sont remarquables par leur teint rougeâtre et leur trait grossier. Ils portent uniformément un chapeau rond à large bord et se drapent à la façon espagnole dans une pièce d'étoffe sombre. Je ne rencontrai d'abord que des femmes, les hommes étant occupés à conduire les grands trains de bois qui descendent l'Ottawa et se rendent à Montréal. La fabrication des chaussures indigènes ou mocassins forme la principale occupation des femmes. Sous prétexte d'acheter quelques-uns de leurs ouvrages, j'entrai dans plusieurs maisons où l'on me répondit constamment en bon vieux français. Dépouillées de l'épais manteau qu'elles portent dehors, ces femmes portaient au lieu de robe une longue blouse de couleur et des pantalons collants descendant jusqu'à la cheville. Leurs souliers vernis laissaient apercevoir de gros bas de laine. Des boucles d'oreilles et un collier en or forment du reste leur principal ornement. Quant à leur chevelure, elles la relèvent sur le sommet de la tête, puis l'attachent de la même façon que le faisaient autrefois les gardes françaises. On ne peut dire que leurs traits soient agréables, mais leurs formes sont assez belles pendant la première jeunesse. Quand on a vu leurs habitudes laborieuses, l'ordre et la propreté qui règnent dans leur ménage, et que l'on songe aux longs et durs travaux auxquels se livrent leurs frères et leurs maris, bûcherons, pilotes ou conducteurs de radeaux sur l'Ottawa, on est peu disposé à accepter l'accusation de paresse, si souvent portée contre les pauvres Indiens. L'Ottawa est tout à la fois le plus grand des tributaires du Saint-Laurent et le plus important au point de vue géographique. Son cours, remonté jusqu'à la hauteur du lac Nipissing, qui se déverse dans la grande baie de Géorgie, offre une voie bien plus directe que celle du Saint-Laurent pour atteindre le lac supérieur et les routes de la Colombie anglaise. Cette considération, jointe à la beauté du pays arrosé par l'Ottawa, aux richesses encore vierges de son vaste bassin, ont déterminé depuis mon retour en Europe la décision par laquelle le ministère anglais, d'accord avec la législature provinciale, a fait choix de la ville de Bytown, aujourd'hui cité d'Ottawa, pour y établir le siège du gouvernement canadien. À peine rentré de mon excursion sur l'Ottawa, je trouvai à Montréal un bateau à vapeur prêt à partir pour Québec. Je courus m'y installer au milieu d'un encombrement rappelant celui de l'Arche de Noé. Sur le pont du steamer, les bœufs et les chevaux sont pressés les uns contre les autres et l'on entasse des marchandises de toutes sortes. Les passagers de seconde classe, qui payent la modique somme de 4 francs, se placent où ils peuvent. Au premier étage de notre bateau se trouve un vaste mais modeste salon qui donne accès à un grand nombre de cabines. La nuit est tiède et embellie par un magnifique clair de lune. Aussi la curiosité me retient sur le pont pour mieux voir défiler les rives du Saint-Laurent, qui en général sont plates et couvertes de vastes forêts. La largeur de ce grand fleuve varie depuis 1 jusqu'à 5 kilomètres. Nous rencontrons plusieurs îles considérables et nous traversons le lac Saint-Pierre qui n'est autre chose qu'une expansion du Saint-Laurent. Quelques voyageurs descendent au petit village des Trois-Rivières et de Sainte-Anne. Vers le milieu de la nuit, le ciel se couvre de nuages. Le tonnerre gronde et à chaque instant les éclairs, qui sillonnent la nuit, reflètent leurs lignes de feu sur les eaux du fleuve. Ce beau spectacle me dispose peu au sommeil. Aussi je prends part à la conversation de plusieurs Canadiens qui habitent différents villages sur les bords de l'Ottawa. Ils emploient les tournures de phrases et les expressions usitées dans nos vieux auteurs français. On croirait entendre parler Rabelais ou Bonaventure des Perriers. Les enfants des Canadiens apprennent l'anglais dans les écoles et le français dans leur famille, car la plupart des récits de leur foyer roulent sur le vieux pays de France.